Chapitre 6e. Il est gentil, ton ami André, fit Madame Brun en appliquant un vigoureux coup de brosse entre les omoplates de son mari, qui sursauta. Eh, doucement, ma chère, tu me fais mal, dit Marcel, avec une mansuétude résignée. Résultat de ces 12 années de mariage heureux. Mais oui, il est gentil. Qu'a-t-il de si particulièrement gentil ce matin? Voilà 3 jours qu'il m'a donné signe de vie, continua Madame Brun, en faisant pivoter sur lui-même son époux débonnaire, dont elle eut alors le visage en face du sien, mais beaucoup plus haut, car Marcel était de grande taille et sa femme étonnamment petite. « Ce n'est pas la première fois que cela lui arrive, » fit observer philosophiquement l'excellent homme. « Eh bien, est-ce que ça le rend plus excusable ?» s'écria Madame Brun en brandissant sa brosse de crin. Marcel rejeta la tête un peu en arrière, quoique à dire vrai, son menton se trouva encore fort au-dessous de l'instrument dangereux. Mais sa femme n'en voulait qu'au parement de son paletot qu'elle broussa avec une énergie particulière. « Il était régulier, autrefois, » dit-elle en ponctuant chaque phrase d'un coup de brosse plus vigoureux. « Il venait tous les jours, autrefois. Il n'aurait pas laissé passer 3 jours sans prendre de mes nouvelles, sachant que je suis enrhumé, autrefois. » Elle administra au revers du paletot une secousse si violente que Marcel Brun faillit en perdre l'équilibre. Après quoi elle déposa la brosse sur un meuble et contempla son œuvre avec une visible satisfaction. Et de fait, dans tout Chartres, on eût pu trouver un employé mieux brossé que Marcel Brun. « Autrefois, » dit imprudemment celui-ci. L'expérience du mariage n'avait pu le préserver de la dangereuse habitude de demander des explications à sa femme quand il ne la comprenait pas très clairement. « Oui, autrefois, » répliqua Madame Brun d'un air de défi. Marcel, qui se rappelait avoir vu 5 fois son ami dans le cours de la semaine précédente, resta interdit, essayant de coordonner 2 idées en apparence contradictoires. « Fais le malin, » reprit sa moitié exaspérée, « comme si tu ne savais pas que depuis 15 jours, il passe presque tout son temps dans une maison de la ville basse. Habité on ne sait par quelle vieille bonne fantastique qui sert une dame invisible, c'est du joli, au vu et au su de toutes les femmes honnêtes de Chartres. « Mais, » objecta Marcel, « si personne ne connaît la dame, ce n'est donc pas au vu, au su... »« Tiens, tu me fais bouillir !» s'écria Madame Brun en le poussant. « Va-t'en plutôt à ton bureau, tu seras en retard. » Monsieur Brun prit docilement le chemin de la porte. « Et ton parapluie? Tu vas te tremper comme une lessive. »« Ah, si je n'étais pas là !»« Tu t'en vas sans m'embrasser. » Marcel revint vers sa femme et l'embrassa affectueusement. Madame Brun était terrible qu'en parole, et plus spécialement une brosse à la main. Au fond, les 2 époux s'aimaient tendrement, comme on le fait après 12 années de vie commune, où les joies et les peines ont donné l'occasion de se connaître et de s'estimer mutuellement. Il prit son parapluie et se dirigea vers la mairie où, depuis l'âge de 21 ans, il occupait des fonctions honorables qui lui donnaient journellement, de 10 à 4 heures, les loisirs les plus délicieux. Arrivé au bureau, il s'assit dans son fauteuil, cet excellent fauteuil qui remplaçait pour lui la petite chaise de paille à rond de cuir des simples fonctionnaires. Ce fauteuil précieux, dernier présent d'une belle-mère incomparable, de tout point semblable à sa fille, et qu'ils avaient sincèrement pleuré 5 ou 6 ans auparavant. Puis il ouvrit un énorme registre, le plaça devant lui, saisit une plume, s'assura qu'elle était bonne, la trempa dans l'encrier et se mit à penser à son ami Juste André. Quoi ? Juste se rendait secrètement dans une maison de la ville basse, dont une vieille bonne lui ouvrait la porte. Juste se sera fait une existence de mystère et probablement de volupté, dont son ami n'aurait point connaissance. Hé hé ! Se dit Marcel en se chatouillant le bout du nez avec sa plume, pendant qu'un malin sourire relevait les coins de ses lèvres. Oh oh ! Fit-il, en revenant à des sentiments plus dignes d'un employé de la ville et de l'époux de Madame Brun. Il fronça les sourcils, et conformant l'expression de sa physionomie à l'état de son esprit, il prit un air sévère, pour blâmer une conduite qui, mystérieuse, devait être répréhensible. Mais cet accès d'austérité ne fut point de longue durée. Il se renversa sur le dos de son fauteuil, le nez au plafond, et s'abandonna à une douce hilarité, contenue toutefois dans les limites du décorum. Juste André, ce puritain, ce buveur d'eau, cet homme grave, qui bâillait à la lune, et passer les belles nuits d'été à faire le tour de la cathédrale, autant que ce tour est possible, c'est-à-dire un demi-tour. Juste allait secrètement dans une maison de la ville basse. Qui diable pouvait bien demeurer là-dedans ? Marcel, qui était né à Chartres, passa en revue toutes les femmes de la ville qui pouvaient abriter ce logis mystérieux et ne trouva rien du tout. Vaincu par le sort, il revint à son registre et vérifia deux ou trois colonnes avec une sévérité de coup d'œil, avec une intensité d'attention faite pour inspirer à ses collègues l'émulation la plus louable, s'ils avaient pu en être témoins. Puis, jugeant qu'il avait momentanément payé sa dette à la municipalité, il se rejeta en arrière, alluma un cigare et « J'y suis !» se dit-il avec un bon joyeux. « Il l'a fait venir de Paris par un train de nuit. C'est une princesse parisienne. » Il réfléchit une minute et pensa charitablement « Comme elle doit s'ennuyer là-dedans !» La pensée qu'elle s'ennuyait était éminemment faite pour disposer Marcel à l'indulgence, car il ajouta mentalement « Pauvre femme !» Mais M. Brun était un homme trop moral pour ne pas retourner immédiatement à son registre après cette concession aux faiblesses humaines. Il travaille donc pendant une heure au moins, sans se permettre d'autres distractions que de secouer de temps à autre la cendre de son cigare. Après quoi il revint à ses douces rêveries. Sa femme avait raison. André venait moins souvent qu'autrefois. Et ses visites étaient plus courtes. Il avait l'air préoccupé. Préoccupé mais non affligé. Cependant, Brun n'avait point remarqué sur la figure de son ami ce rayonnement intérieur. Il le connaissait bien. Quel signe visible, irrécusable, d'un amour dans son épanouissement. « Je le surveillerai, » se dit Marcel, ému à la pensée du danger que courait le jeune ingénieur. C'était une assez singulière affection que celle qui unissait André, Brun et Langlois. Ces trois êtres absolument dissemblables s'étaient liés, on ne sait pourquoi. Peut-être par quelque affinité de goût élevé, d'idées généreuses, d'utopie sentimentale. Brun, marié depuis longtemps, plus âgé que les autres, avec un penchant très vif pour la poésie, qu'il cultivait à temps perdu sous la forme élégiaque, était peut-être le plus gai, le plus fou des trois. Sans ses fonctions et sans sa femme, il eût encore attaché des chats la nuit aux sonnettes des gens sérieux. Le docteur Langlois, qui venait d'avoir 30 ans, était un homme enthousiaste et passionné qui faisait tous ses efforts pour paraître méthodique et froid. Il s'était dit qu'un médecin doit être impassible, que son visage doit rester muet, sa voix sans vibration, que la science exige de ses adeptes un maintien impénétrable et que l'humanité, d'ailleurs, commande à celui qui veut prévoir la mort de ne rien laisser paraître en dehors de ses émotions. Il avait atteint ce résultat, un peu comme les volcans arrivent à être couverts de cendres. C'était une simple apparence. Par bonheur, personne ne soupçonnait ce que cette froideur simulée recouvrait de violentes émotions. Juste André, le plus jeune des trois, était l'enfant gâté des deux autres et de tout le monde. Nouveau venu dans la ville, qu'il habitait depuis 2 ans et demi seulement, il avait obtenu sur le champ droit de cité dans les maisons les plus fermées. Sa belle éducation, sa bonne tenue, la réserve de ses manières y étaient bien pour quelque chose. Les hommes, il faut en convenir, le traitaient moins favorablement que les femmes. On le trouvait froid et hautain. Au fond, il n'était que timide. Les femmes, d'ailleurs, savaient le mettre à l'aise et, près d'elles, il se montrait plus semblable à lui-même. Ce qui lui avait concilié du premier coup tous les cœurs féminins, c'était l'étrange beauté de sa physionomie. Ses grands yeux noirs, ses cheveux foncés et sa barbe qui frisait malgré lui en boucles de rue et serrées, le sourire extrêmement fin et discret de sa bouche délicate, attirait sur lui les regards les plus austères. La beauté d'un homme est peu de chose quand elle n'est pas relevée par un irrésistible attrait de sympathie. André pouvait avoir des envieux, mais il n'avait pas d'ennemis. Langlois et Brun avaient adopté ce nouveau venu qui leur apportait l'élément d'élégance naturelle qui leur manquait jusque-là. Et puis, pour eux, ce nom de juste André, composé de deux prénoms, cachait un mystère douloureux. Le jeune ingénieur n'avait point eu à répondre, n'étant point interrogé, mais il en avait dit assez pour faire comprendre à ses amis qu'il n'avait malheureusement rien à attendre ni à redouter de personne. Une main généreuse, restée inconnue, avait pourvu à son éducation. Il s'était trouvé à 21 ans en possession d'une fortune modeste mais assurée. On l'avait poussé activement dans sa carrière. Il était sûr d'obtenir un avancement rapide. Mais jamais ni mère ni père ne lui avait fait parvenir un mot de tendresse. Cette situation exceptionnelle avait attristé la jeunesse de Juste André. Puis, à mesure qu'il entrait plus avant dans la vie active, qu'il sentait ses facultés se développer, il avait pris son parti d'une chose qu'il ne pouvait modifier. Au lieu de rougir d'une faute qui n'était pas la sienne, il s'était promis de créer un nom à celui qui n'en avait pas, à défaut d'ailleurs de présenter au monde des œuvres, et après tout, puisqu'il ne dépendait de personne, de se choisir une existence telle que ses talents et ses goûts lui permettraient de la rêver. Bien peu peuvent accomplir leurs rêves. Pour lui, du moins, son isolement serait une facilité de plus. C'est parce qu'il était seul au monde que Marcel Brun s'attacha à Juste André, et c'est parce que celui-ci laissait voir au dehors, dans ses conversations avec ses amis, tout ce que son âme renfermait d'aspirations passionnées, que le docteur Langlois se prit d'affection pour ce jeune homme qui disait tout haut ce que lui pensait tout bas, et qui laissait bouillonner au dehors tout ce que lui étouffait soigneusement en lui-même. Mais Langlois n'était point pédagogue, ce n'était pas encore de son âge, et ce n'était pas du tout dans ses goûts. Marcel, au contraire, élégiaque et moraliste, avait en lui quelque chose du professeur de rhétorique. Juste était son enfant, et un enfant qu'il fallait tenir en lisière. Aussi se promit-il de veiller soigneusement sur ses mœurs. Ce n'est pas à Chartres que les mœurs d'André couraient un péril imminent. Les voyages à Paris étaient plus dangereux, et pourtant le moyen de les empêcher. Il faut bien que jeunesse passe. Mais si dans Chartres même, ceci devenait d'une gravité exceptionnelle, non seulement pour le principe, mais encore pour les inconvénients personnels qui pourraient rejaillir sur M. Brun, plus spécialement à cause de Mme Brun. Avant de se risquer à porter la parole dans une circonstance si délicate, Marcel prit la résolution de consulter Langlois. Il consultait toujours Langlois, d'ailleurs, et s'en trouvait bien. Il attendit donc avec une certaine impatience que l'heure réglementaire le rendît à la vie privée, et une fois son pupitre fermé, il sortit d'un air allègre, tempéré cependant par la dignité des fonctions de mentor qu'il s'était attribuées.